je vis sous adrène. Cœur et nerf à vivre comme Hartley. Les dollars traînent, les parents sont proches de la retraite. Les artères de la capitale, les surfaces habitables. Pas étonnant que pour s'exprimer, ben les façades ils tannent. Un digital dans la poche ou bien caché dans le falzard. Désolé Moufassa, aujourd'hui tous les mouflards s'arment comme Farsight. Je vis à l'envers, je vis à l'anglaise. En guest pour qu'on finisse en finale en tête. L'aisselle, retour d'un Jedi, Narchetan, là j'ai le time. J'connais ma ville, j'y ai marché tard. Magenta, les boulevards, les rues sombres, les coups de face, les bastons, les bouts de verre, les passants qui te boucavent, les boules graves. Rien sur le curriculum ou l'agenda. Les patrons, la chanta, filonne avant l'internement à Sainte-Anne. Intact, du placenta jusqu'à l'agonie. J'me fous de la syntaxe dans mes écrits laconiques. Malgré tous les coups bas, les coups de matraque, on reste intact. Des premiers tags au disque compact, on reste intact. Plus 04, toujours sous le réverbère, on a les nerfs à vivre. Coincé dans les rapides, on fait la diff, le rap comme terre d'asile. Malgré tous les coups bas, les coups de matraque, on reste intact. Des premiers tags au disque compact, on reste intact. Plus 04, toujours sous le réverbère, on a les nerfs à vivre. Coincé dans les rapides, on fait la diff, le rap comme terre d'asile. Parce que t'as voulu me test minable, t'as des douleurs intestinales. Dès que la fumée est épaisse, ginale, mon rap prend une valeur inestimable. Ouais, c'est la destimale, à nos bras, même pas une festina. Pour se mettre à l'aise, on fait ce qu'il faut, ça veut pas dire on fait ce qui marche. Tu reconnais la démarche, toujours intact, puis 2004, puisqu'on récolte avec du recul. Sur la bonne voie, on a 1004, rien d'admirable, les ennemis râlent, car on pèse lourd comme les miracles. Y'a pas de miracle, il est pas né celui qui nous éliminera. DSR, c'est pas le sirop, nous mélange. Pas à ton eau minérale. Si tu nous tends le micro, on va rendre tes idéaux misérables. Ici rien n'est disgras, en une semaine tu niques ta paye. Il faut qu'on taille, moi je crois les gars que je vais bientôt me barrer à Taipei. Je chante la guerre mais je prône la paix. Tu comprends rien, ça tant pis. Je me prétends ni prophète ni prêt à envahir tout un empire. C'est peut-être demain que je paierai le prix d'une jeunesse plutôt étourdie. J'ai bon rappé depuis 10 piges, je crois pas qu'au micro j'ai tout dit. Malgré tous les coups bas, les coups de matraque, on reste intact. Des premiers tags au disque compact, on reste intact. Plus 04, toujours sous le réverbère, on a les nerfs à vivre. Coincé dans les rapides, on fait la diff, le rap comme terre d'asile. Tous les coups bas, les coups de matraque, on reste intact. Des premiers tags au disque compact, on reste intact. Plus 04, toujours sous le réverbère, on a les nerfs à vif. Coincé dans les rapides, on fait la diff, le rap comme terre d'asile. J'viens gratter un truc de speech, l'armée cache, car j'ai plus d'un style. L'esprit cache différents niveaux comme mon fuzz split. Et voilà, mi, 28 piges au compteur, j'traîne moi dans le secteur. Mais j'me rappelle ces heures et ces tueurs dans mon baladeur. Quand j'voyais que le bleu du RERB et de la ligne 2, le nord de Paname et tous ces tags me rendaient bestial. J'connaissais déjà en rail les TSR dans une soirée freestyle. Même passion des entrailles et des rails. Pas plus de détails, d'étale à toute heure par dizaines. La dalle et quelques sexes et zèbes. Toujours en mode balai que sur les keufs on faisait exprès de sève. Comme un coup de sève, mec c'est fou comment le temps passe vite. Si je me suis assagi, c'est que mon esprit ne s'est pas perverti. Puisque dans le fond notre combat est positif. Au fond si tant qu'on ait la forme, c'est saga. Tu reconnais la griffe, au kit je lève mon verre pour cette époque. Fuck Skyrock, ce n'est pas un fond de commerce. Tu piges après, personne ne baisse son froc. Malgré tous les coups bas, les coups de matraque, on reste intact. Des premiers tags au disque compact, on reste intact. Plus 04, toujours sous le réverbère, on a les nerfs à vivre. Coincé dans les rapides. On fait la diff, le rap comme terre d'asile. Malgré tous les coups bas, les coups de matraque, on reste intact. Des premiers tags au disque compact, on reste intact. Plus 04, toujours sous le réverbère, on a les nerfs à vivre. Coincé dans les rapides, on fait la diff, le rap comme terre d'asile. Bah les couilles de l'actu, proto j'abuse, même quand il me faut de la thune. Tous mes propos j'assume, pour rester droit, pas besoin de niveau à bulle. Des grosses ratures, des dégradeurs, y'a qu'un seul fit, devine quoi. C'est TSR en rail, rageur, la dream team 2004. Même si nos tags s'effacent, c'est pas des vaches, le son des froids, on crache des flammes, on se fout des fans, on garde la foi et la tête froide. Mon inspi est vorace, tu dois savoir, j'ai flingué Rick Hunter. J'ai mis des ricks à terre, j'aime la volaille dans les crispy thunder. On mitraille, ça va de spiff, il est tout droit, c'est la devise. Sous les meilleurs des barres de rire, prends tous les poches d'arrêt, grave de tease. Un freestyle des big face, on arrive sans cortège. Une big rad, mais dis-toi, ça va, on est encore svelte. On reste intact dans notre mental, demande à sous-sous. On fait partie d'un autre sous-groupe, on retourne chez nous. Démarrer la sous-coupe, y'a plein de races, ça parle de stup. Des meurs sous les par-dessus, vilain stage, reste intact. Rien n'a changé à part le stup. Malgré tous les coups bas, les coups de matraque, on reste intact. Des premiers tags au disque compact, on reste intact. Plus 04, toujours sous le réverbère. On a les nerfs à vivre, coincé dans les rapides, on fait la diff, le rap comme terre d'asile. Malgré tous les coups bas, les coups de matraque, on reste intact. Des premiers tags au disque compact, on reste intact. Plus 04, toujours sous le réverbère, on a les nerfs à vivre, coincé dans les rapides, on fait la diff, le rap comme terre d'asile. On reste intact.